Toujours à la même occasion, ont été déposés le 17 les couronnes mortuaires au cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont des Sons. Devant l'autel a été déposée la couronne de fleurs envoyée par le maréchal Kim Jong-un. Au cimetière des martyrs se trouvait alignée la garde d'honneur de l'armée populaire de Corée. Y ont pris part les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, notamment Kim Jong-nam, Fang Byung-so et Choi Ryong-hae, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les travailleurs, les jeunes et étudiants de la ville de Pyongyang. Les visiteurs ont déposé les tiges bouquets de fleurs devant le buste de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, et observé un moment de silence à la mémoire de la femme générale du Mont Baektu. Devant l'autel ont été également déposées la couronne en nom commun du comité central du Parti Travail de Corée, du comité des affaires d'État, du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Sont déposées aussi les couronnes mortuaires au nom des établissements des forces armées, des formations des travailleurs, des ministères et établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements de l'enseignement, de la santé, de la presse et des organes du parti et du pouvoir, des entreprises et fermes de la ville de Pyongyang. Il y a eu le défilé de la garde d'honneur de l'armée populaire de Corée.